Hey, Philly, on clique sur Transmet. On dirait que tu sèmes pas ton jam. Oh. Ouais. Ah, t'as cliqué sur le micro, là. Hey, tu m'entends, Pascal? Hey, Filion, c'est ça, faut que tu... Oui, je te vois, puis je t'entends. Ça sonne au bout. Filion, on l'entend. Ah, hey, là, ça va marcher, là. OK, t'as passé dans l'autre mode, là, Filion. Hey, tu m'entends-tu, Pascal, toi? Yes. Oui. Thank you. Hey, les malades, vous m'entendez-tu? J'ai dit sur votre petit micro pour parler en real time, là, j'ose. Hey, Filion, tu me vois-tu, toi? Clic dans la barre.